chez ta femme. Envoyé verbal, noté dans ses mails, nous enchaînons en vacances. Et t'es pas en marche, c'est que les consoles sont jamais les gentilles. C'est l'autre, la tôtre, la sac, chevron, même la sac des sales. Et une big blue, la sans collérette, une tête qui te retroussera vos logos. Mais les verres comprend rien, ah tu n'as jamais hâte. Il y a 20 ans trop de loin, veuillez salutasse, pour ces garçons pendant ce 4-3. Hein? Même Pete, chien qui chatte, en sabotage me tombe les mains avant les chauds-chauds. Oh, ils sont stressés, c'est la merde, mec, je sens la rarie que ça tâche qui part. Enfin Muriel, une verte virtueuse, balayeuse, tous dans les chats, number dans chaque. Une caresse pour Max, tendu dans les champs modèles, voyant sa tâche, sexe sur les tâches anales. C'est ton pire pariente, je t'apprends les chiffres dans ta rente. Envoyé dans verbal, comme bon oiseau, dans ses voyages, t'achèlons en vacances. Mire tes grandes dettes, par matérialisme chez l'ampoule. Ton air d'un boots, fixe ta chair.